Vous l'avez connue bien avant moi. Elle était votre amie, je crois. Elle me parlait de vous souvent, du temps où vous étiez enfant. Alors, puisqu'elle nous a quittés, c'est à vous de me raconter un peu de sa jeunesse. Parlez-moi de ses jeunes années, de tous les rêves qu'elle faisait et des chansons qu'elle vous chantait, du temps qu'elle a passé sans moi. Est-ce qu'elle était triste parfois? Soyez gentil, racontez-moi, ne vous en allez pas déjà. Vous l'avez connue bien avant moi, vous savez peut-être pourquoi elle a choisi de s'en aller là d'où l'on ne revient jamais. Et dire qu'il y a si peu de temps, chaque soir en la retrouvant, je la croyais heureuse. Puisqu'il n'est plus question d'avenir, partageons tous vos souvenirs. Vous devez avoir en mémoire tant de retours et de départs, tant de chansons, je ne sais pas. Racontez-moi n'importe quoi, je vous en prie, ne partez.